La veille de la Toussaint s'était avérée fructueuse pour Samir et ses amis. Les boulioules avaient en effet amassé un pactole de 50 euros en allant braquer le bureau de tabac de Charleville-Mézières. Le tenancier, croyant avoir affaire à des clients farceurs déguisés en bougnoules, ne s'était certes pas attendu à se voir pointer sous le nez un pistolet d'airsoft sous le regard horrifié d'un Français en surpoids dégustant un cornetto. Prenant leurs jambes à leur cou après leur méfait, les petits galopins réservèrent une room à haute cause afin de se remettre de leurs émotions. Parvenus à destination dans le restaurant rapide, ils ne furent certes pas déçus. La chicha, la PS5, FIFA 2020, pas de mixité, tacos 8 viandes, kebab, drumsteak, escalope milanaise, filet de colin, sauté de veau sauce escabèche, escargot à la bourguignonne, dinde au marron, sole à la duclérée. Ça, quel plaisir! Mais c'est sur le chemin du retour vers le terre-terre que les furent prises un à un de violentes diarrhées. Peut-être le Fanta orange, nul ne le saura jamais. Toujours est-il qu'ils décédèrent en pleine rue après une terrible agonie, face contre terre dans de stupéfiantes flaques de merde. Après quoi, ils furent mis en terre. Et c'est durant le premier soir de Ramadan qu'ils ressuscitèrent au cimetière communal d'Aubervilliers, sous le regard horrifié d'un Français en surpoids dégustant un cornetto. Les omboulioules semèrent alors la terreur dans toute la banlieue, transformant leurs semblables en zombouilloules, ce qui ne changeait pas grand-chose, il faut bien l'avouer. Un jour enfin, Nicolas Dupont-Aignan revint de ses vacances à Los Angeles pour mettre fin aux agissements de ses melons d'outre-tombe. À leur insu, il leur fit manger des travers de porc habilement dissimulés dans un tacos 5 viandes, entrecôte charolaise, saumon fumé, tablier de sapeur, langue de bœuf. Et ils décédèrent de nouveau d'une chiasse ineffable. Leurs carcasses ne furent point remises en terre, mais broyées dans un thermomix afin d'être données à manger aux animaux du zoo de Vincennes. Les animaux mangèrent la pâtée de bougnoules et devinrent tous pédés.